pour le premier. Ne pas se loucher. Dans les colères. Pour faire par pousser. Avec les lignes arrêtées. Sans les lignes restées. Vous avez marché le balai. Fumé comme un pompier. Sans avoir squatté. Merci. Regardez-vous qu'elle est prête. Venez, c'est un chat autour de moi. Venez lire tout seul par un chat. Qu'est-ce qui s'en va du. C'est l'absolu, c'est lui, c'est le prix. On le paye et tu le traînes. On le dirait, est-ce que vous voulez.